Audiocité.net a le plaisir de vous présenter le deuxième acte de Chant en poche de Georges Feydeau. Il s'agit d'un vaudeville en trois actes, représenté pour la première fois à Paris le 19 septembre 1888 au Théâtre des Jazets. Dans cette interprétation, Stanley sera Pacarel, Christian Dufossé, Alain Bernard, le docteur Landerneau, Aldor, la noix de veau, et Bernard, Tiburce, le domestique de Pacarel. Chez les dames, Armaine sera Marthe, la femme de Pacarel, Camille, Amandine, la femme de Landerneau, et Mélodie sera Julie, fille des Pacarel. La bonne, personnage muet, ne sera pas représentée. Le deuxième acte se déroule dans un salon de campagne, toujours au Parc des Princes. Au fond, une grande baie donne sur le jardin. Des portes à droite et à gauche permettent de rentrer au premier ou au deuxième plan. Et on trouve dans ce salon un canapé, une cheminée, un guéridon et des chaises. Scène 1. Les personnages présents sur scène seront d'abord Tiburce, puis Amandine, puis Lannoy. Tiburce est assis au petit guéridon. Il fait de la tapisserie dans un canevas qui représente un zouave. Oh, que c'est bête la vie. On admet qu'un amant aime sa maîtresse, et on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Ah, Amandine, tu ne m'as pas compris. Et tu m'as envoyé promener. Alors, pour me consoler, il ne me reste plus de temps en temps, quand tu n'es pas là, qu'à faire quelques points dans ta tapisserie, dans ton zouave. Je sais bien que tu défais chaque fois mes points, mais ça m'est égal. Je recommence et ça me fait du bien. Eh bien, Tiburce, qu'est-ce que vous faites là? Rien, je... Madame voit, je tapisse. Ma tapisserie. Eh bien, vous avez de l'aplomb. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait mes points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais si heureux de collaborer avec madame. Ah, il ose. Allez, et que cela ne vous arrive plus. Oui, madame. Amandine s'assied sur le canapé. Cette femme ne m'aimera jamais. Une femme si forte en chair. Oh, ma livrée, que tu me pèses. Tiburce sort. Non, mais a-t-on idée de cela? Rangeons cet ouvrage. Amandine ouvre le panier à ouvrage et... Ciel! Encore un billet de Dufossé. L'imprudent, il met cela dans mon panier. On n'aurait qu'à le trouver, voyons. À ce moment, Lannoy entre par le fond de la scène, un bouquet à la main. Amandine commence à lire le billet, sans voir Lannoy. Il n'y a donc personne dans cette maison. Il faut absolument que je vous parle. Madame? Vous avez bien voulu m'encourager, eh bien je me risque. Il se risque. Il n'a pas l'air de m'entendre. Madame? Il se risque. Je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits et laconique dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Madame? Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Je vous demande pardon, mais voilà deux fois que je susurre. Alors, j'ai un peu élevé le susurrement. Et vous allez bien, madame? Oui, c'est bon, tout à l'heure. Je me risque. Et moi, j'ai été très souffrant toute la nuit. Allons, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Elle n'a pas plus l'air de s'occuper de moi. Le jour où on n'est pas tranquille, accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Hein? Vous ne pourriez pas me dire, au moins, où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre. Dans la serre? Merci. Je vais la rejoindre. La noix sort en courant pendant qu'Amandine est toute à son idée. Dans la serre? Il ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien tout honneur. Ça, c'est des bêtises. Réfléchissez. Je suis un galant homme. Oui, très galant, très galant. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix « Colimaçon borgne » ou « Coucou à le voilà » et vous indiquerez l'heure pour autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Je vous dis, il est éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Il y tient à ces jarretières.